bien, comment allez-vous les amis? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 576, je crois. Oui, c'est ça, 576. Nous sommes le 25 octobre 2023 et l'album de la semaine, qui va être court, 4 chansons, c'est un mini LP, ce sera Rewind Forward de Ringo Starr, sorti il y a quelques mois, quelques temps, en 2023. Très peu de temps, il n'y a pas longtemps. On écoutera Shadows on the Wall, également Feeling the Sunlight, avec Paul McCartney, s'il vous plaît. C'est une chanson écrite par Paul McCartney. Il joue de la basse dessus. En fait, il a tout joué et il l'a envoyé à Ringo. Ringo a sorti la piste de batterie de Paul McCartney, non pas parce que McCartney est mauvais en batterie, mais parce que c'est quand même lui, Ringo. Donc Ringo met sa propre batterie. C'est normal. Moi, je comprends. Et il n'est pas fâché, hein, il n'y a pas de problème. On écoutera également Rewind Forward, qui a donné son nom à l'album, et Miss Jean. Et comme il n'y a que 4 chansons et que je vous propose à chaque fois 6 chansons, on ajoutera Dead Giveaway de Stop and Smell the Roses en 1981 et Call Me, extrait de Goodnight Vienna en 1974. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du McCartney et des Beatles. Pour Lennon, ce sera God. Je vais vous proposer 2 chansons. D'abord la démo faite à la maison, puis la chanson tirée de l'album God, donc 2 fois. Il y aura pour Harrison Waiting on You All, le stéréo remix de 2020, et pour McCartney ce sera Little Woman Love, un single en 1972. Quant aux Beatles, ils nous chanteront I Wanna Be Your Man. Il sera relié d'ailleurs avec les Rolling Stones, il me semble. J'ai un doute. Bon, en tout cas, bonne émission et bonne écoute. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Tout de suite, le premier titre, c'est Monsieur Ringo Starr sur RIG. Bonne soirée. avec des invités. Hein. Il y a Joe Walsh, bien évidemment. Il y a Paul McCartney et il y en a d'autres. Je vous les citerai peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à les trouver sur le net parce que je n'ai pas l'album sous la main. Ben oui, ça arrive. Il est sorti par contre au mois d'octobre, le 13 octobre, c'est-à-dire il y a 12 jours. Alors Thierry, quand même, quand tu dis qu'il est sorti le mois dernier, renseigne-toi avant de dire des bêtises à la radio. Voici la home demo de God sur RG. God is a constant by which we measure our pain. I'll say it again. God is a constant by which we measure our pain. I don't believe in magic, I don't believe in I Ching, I don't believe in Bible, I don't believe in terror, I don't believe in Hitler, I don't believe in Jesus, I don't believe in Kennedy, I don't believe in Buddha, I don't believe in mantra, I don't believe in Gita, I don't believe in yoga, I don't believe in kings, I don't believe in Elvis, I don't believe in Dylan, I don't believe in people, I just believe in me. That's reality. Oh, yes, it is. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. I don't believe in magic, I don't believe in I Ching, I don't believe in Bible, I don't believe in tarot, I don't believe in Hitler, I don't believe in Jesus, I don't believe in Kennedy, I don't believe in Buddha, I don't believe in mantra, I don't believe in Gita, I don't believe in yoga, I don't believe in King, I don't believe in Elvis, I don't believe in Dylan, I don't believe in Beatles, I just believe in me. Oui, voilà, ça c'est vraiment de l'histoire. J'aime bien quand on entend ça de la part de John Lennon, une chanson en entier, pas arrêtée toutes les 3 secondes comme il le fait souvent lorsqu'il est en studio. Et c'est une version différente, une version pas encore travaillée, ou plutôt limite, une version de travail, d'ailleurs c'est mieux comme ça. Et la version finale donne ça, et c'est bien mieux encore. By which we measure Comme ça, c'est clair. John Lennon était frustré parce que McCartney l'avait devancé en déclarant la mort du groupe dans une fausse interview sur le premier album en avril 70 de McCartney. À la fin de cette interview, il dit « Est-ce que vous avez encore des projets ensemble avec les Beatles ?» Il répond « Non ». Donc voilà, les Beatles, c'était terminé. Et du coup, John Lennon a voulu écrire l'épitaphe finale des Beatles. « The dream is over, les gars, il faut continuer, mais maintenant c'est terminé. » C'est bien, il fallait qu'il le fasse et bon, c'est une chanson triste, mais c'est une belle chanson. Et la surprise de 70, l'album All Things Must Pass de George Harrison, excellent. You don't need a love man. You don't need a best man. You don't need a heart as you're full of life. Just don't see the message you're in. You open up your heart. You know what I mean. Way for you to get clean. By changing the name to the Lord, and you'll be free. It's the Lord is the way you love your heart, the way you see. Changing the name to the Lord, and you'll be free. don't need no passport. You don't need no visa. You don't need to designate up to heavy grade before you can see Jesus. If you open up your heart, you see he's right there. He always was and will be. He'll leave you of your own care. You don't need a church house. You don't need a temple. You don't need no rosy beads or the books to reach the seat that you unfolded. If you open up your heart, you know what I mean. You can catch dance alone. We're all sinking and we're all green. While the Pope was 51% of general orders. Depuis le début de la soirée, nous avons écouté Shadows on the Wall sur l'album Rewind Forwards de Ringo Starr. Puis il y a eu God, deux versions, la version démo, la version studio de John Lennon. Harrison nous a chanté Waiting on Your Hall et à l'instant Paul McCartney, Little Woman Love. Oui, je suis essoufflé parce que je viens de piquer un 25 mètres, j'étais éloigné du micro et donc il faut que je reprenne le souffle. Bref, maintenant que nous avons parlé de tout cela, il faut parler de la personne qui peut nous aider à tout savoir sur les Beatles. Cette personne, c'est Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita.

before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Petit intermède au piano ancien, là j'ai pas le nom en tête, je sais plus comment on appelle ça. En fait, c'était un piano normal, enregistré normalement, et la version a été accélérée pour donner ce son-là, pour se donner ce son d'instrument du médiéval, quoi, un truc comme ça. Et c'est très très bien. C'est George Martin qui a fait ça, qui a fait cette partie-là. I think the piano maybe is better. I just realized to stop struggling. Hello, Yoko. Ouais, vous avez dû négliger. Yeah. John Lennon dans une chanson inédite. Long Lost John sur RG. Well, it's long, long lost John. It had to ride the top. Well, it's long, long lost John. Yeah, long, long lost John. Yeah, lost John standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back but never make no stop. Lost John thought it had to ride the top. Well, it's long, long, long lost John. It'd have to ride the well long, long, long gone. Oh, yeah. I got in about a half past three. You don't look out, she's gonna spew on me. I wanna ride a railroad bill. I'm gonna try. Hello, Richard. Mal. Mal. Find my way, I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Chouette, hein, la basse. C'est extrait de l'album 3 de Paul McCartney, sorti il y a 3 ans déjà. Qu'est-ce que ça passe vite? Il faudrait, Paul, nous sortir un nouvel album bientôt, hein, 2024, quand tu seras passé par Bordeaux pour que je puisse venir te voir. Parce que si tu passes par Paris, ce sera peut-être pas évident. Mais bon, on aura le temps d'en reparler d'ici là. En tout cas, Paul McCartney est en tournée, il est en Australie en ce moment. Ça se passe bien. Bon, les extraits qu'on entend... Sa voix est mieux qu'elle a été et moins bien qu'elle fut. Donc, à vous de voir. Et puis surtout, les chansons sont toujours les mêmes, malheureusement. Mais il estime que si c'est la première fois que tu vas le voir, eh ben, tu es épaté. C'est vrai qu'en 1989, j'ai été épaté. Maintenant, j'en ai juste un petit peu marre d'entendre toujours les mêmes chansons, même si elles sont bien, même si y a pas de problème, quoi. Mais quand on rend hommage, j'y reviens à chaque fois, quand on rend hommage à John, quand on rend hommage à George, il pourrait changer les chansons. Ça serait pas impossible. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Rewind Forward de Ringo Starr, sorti début octobre. Voici un nouveau titre, et le titre de l'album d'ailleurs, Rewind Forward sur RIG. Going through. looking for truth. Everything matters. We've got to stay with it the best that we can. Right now, this is my truth. I'm telling you, man. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home.

shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train. Then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane. Intemporelles ces chansons. Et pourtant bien âgées, puisque Penny Lane par exemple, ça nous avait été fourni pour nous faire attendre Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Quelle belle année que cette année 1967. Je vous propose de revenir du côté de John Lennon avec encore une fois une chanson qui n'est pas souvent passée sur les radios. Vous savez, la chanson Real Love, je vous la propose dans une version seulement de John Lennon. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé celle-ci pour faire l'anthologie, mais néanmoins, la chanson de l'anthologie est très très bien. Voici Real Love par John Lennon, extrait de Once Upon a Time, qui est le best-of de l'anthologie Lennon sur RIG. It's real. revenons à l'album de la semaine. L'album s'appelle Rewind Forward de Ringo Starr, sorti début octobre. Voici la chanson qui s'appelle Miss Jean. Je crois que c'est la dernière, hein, puisqu'après, nous allons passer... après, ce sera des chansons d'autres albums, de façon à pouvoir combler les 6 que je propose en principe quand c'est un album de la semaine. Thank you. vous avez eu l'intégralité de ce mini-LP, mini-EP d'ailleurs, de Ringo Starr en 2023. Il nous préparerait, c'est dans les couloirs, hein, un album country de 4 ou 5 chansons. Hein, mais ça devrait être bien aussi, parce que vous savez très bien que ça va bien à la voix de Ringo, ce genre de truc-là. Nous sommes un peu en avance. Je pense que si on est trop en avance, on réécoutera le Ringo avec Paul McCartney, ou peut-être autre chose en tête avec McCartney. On verra ça d'ici 22h si jamais on est trop en avance et qu'il nous manque des chansons. Voici la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit pendant les Beatles ou après en version solo. Et même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Du moment qu'eux, ils l'ont chantée, on appelle ça ici une cover. Faite par quelqu'un de connu, ou peut-être vous, si vous me proposez une chanson, et que elle est diffusable en radio. Celle-ci, ce sont des jeunes filles qui l'ont faite, ils l'ont sortie en sur iTunes, j'ai trouvé ça en tout cas. C'est Sina et Emily Lynch. Je vous propose sur leur single du même nom en 2021, Golden Slumbers Carry That Way, The End in Her Majesty, en live. Non, en tout cas en cover sur RIG. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sweet pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changed from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Mais je trouve ça bien aussi, c'est très féminin là, c'est pas rock comme sait le faire Paul McCartney, mais c'est bien aussi. La chanson suivante, vous savez, je vous ai déjà dit, c'est ressemblant à, ou même fils de. Et bien là, c'est fils de John Lennon. Ça n'est pas Julian, c'est Sean. Sean qui reprenait la chanson de John en 2020, la chanson Isolation. Voici sa version à lui, à Sean Lennon. One, two, three, four. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids for days and days. He's been watching the dishes and screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to I'm stepping out. You can't go pleasing everyone else. De l'album Milk and Honey en 1984, donc forcément post-mortem. Ces chansons avaient été préparées pour l'album Double Fantasy. Elles auraient mieux fait de faire partie de cet album-là. En virant par exemple au hasard les chansons de Yoko Ono, ça aurait été bien. Et on aurait appelé l'album Fantasy, quoi, pas seulement Double Fantasy, comme ça, ça collait. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. C'est bien le CD maintenant, parce qu'on peut choisir les chansons. Et l'ordinateur aussi, on peut enlever des chansons qui nous intéressent moins. Bon, c'est ma croisade depuis 40 ans, mais c'est pas grave. Allez, reprenons un petit peu le sérieux. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi, entre 20h et 22h. Et d'ailleurs, à partir de 22h, ce sera l'étonnant Eric et sa superbe émission Johnny de A à Z. Donc, soyez là, ça va être très très très bien, j'en suis certain. L'album de la semaine, c'est pas encore, mais revenons à un Beatles qui avait défrayé la chronique, puisque le titre c'est Fixing a Hole, donc je répare un trou, et la BBC avait cru que c'était encore une allusion à des drogues, etc. Alors que non, c'était Paul McCartney dans sa ferme qu'il venait d'acheter, et il y avait réellement des trous dans la toiture, et lui en tant que grande star de rock, etc., prenait un malin plaisir à être à la campagne tranquille, à être un quidam quelconque, quoi, quelque part, puisqu'il faut réparer de lui-même avec ses propres mains les trous dans la toiture, alors qu'il avait assez d'argent pour payer toute une équipe pour faire ça bien. Moi, ce serait mon rêve de payer une équipe pour faire ça bien. Voici Fixing a Hole sur RIG. Extrait, bien sûr, de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm And it really doesn't matter if I'm wrong or right, where I belong I'm right, where I belong. Silly people run around, they worry me, but never ask me why I don't get past my door. I'm taking the time for a number of things that weren't important yesterday, and I still go. Ayant épuisé les quatre chansons du EP de Ringo Starr, Rewind Forward, voici une autre chanson de 1981 que j'aime bien, que je n'ai pas passé depuis un moment, Dead Giveaway, sur l'album Stop and Smell the Roses, sur RIG. Smell of rye and everything. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? 1997 sur l'album Flaming Pie. Une collaboration Steve Miller et Paul McCartney. I used to be bad, but I don't want to be bad no more. Je vous le dis. Allez, un petit clin d'œil, tout petit clin d'œil, à mes potes de l'aéroport, là où je travaille. Back in the USSR, l'album blanc, les Beatles, en 1968. Sur RIG, bien sûr. Oh, Eric, dans un paquet de minutes, parce qu'il viendra, c'est sûr, pour son émission Johnny de A à Z. En attendant, voici Call Me. C'est pas une raison, je ne demande pas à Eric de m'appeler. C'est le titre de la chanson de Ringo Starr en 1974 sur l'album Goodnight Vienna. Et c'est sur RIG, forcément. A bad dream, dear. Remember, I slept too. Remember, I slept too with you. Vite, encore un bon petit quart d'heure d'émission, alors on enchaîne, on n'arrête plus rien. Voici George Harrison, Spices Fish, sur son dernier album, l'album Brainwashed, sorti en 2002. Back wheel of my bike begins

waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Bye, da da da da ba ba ba ba ba ba. Je l'avais sur le bout de la langue, si j'ose dire. C'était Mary Hopkins. Allez, un slow pour presque terminer cette émission. Someplace Else sur Cloud 9, un excellent slow. On sent la patte de Jeff Lynne, le producteur. You got into my life. I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belong. Now I'm sad like I'd never be, regretting that we leave. And for a while you could comfort me and hold me for some time. I need you now to be beside me while all my world is so untidy. Loneliness, empty faces, wish I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you let me know that you'll be saddened like you've never been, regretting that we leave. And for a while I could comfort you and hold you in my mind. I need you now to be beside. I wish I could leave them all in someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces, wish I could leave them all in someplace else. I think I'm gonna leave them all in someplace else. m'a toujours dit, tu commences ton émission avec une chanson forte, tu finis ton émission avec une chanson forte, et entre les deux, tu fais ce que tu peux. En fait, c'était un conseil qu'on avait donné à Johnny, et c'était Charles Trenet qui avait dit ça ? C'était ça ? Non, c'était Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, voilà, je savais que c'était un ancien. Je savais que c'était un ancien. Bien. Alors, je vais terminer l'émission avec une chanson forte. Paul McCartney est à la basse. Pour les chanteurs, je pense que vous allez deviner. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté la saga des Fab Four. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et je passe la main à Eric. Ciao! Yeah.